Chapitre 9e, la femme. On était au printemps. Le moment était arrivé pour Victorine d'entrer en pension. Et Armand et Martel étaient allés à Villeneuve pour s'entendre définitivement avec les demoiselles Rochemoll. Jusqu'au dernier jour, Armand avait espéré garder Victorine auprès d'elle. Mais Martel avait persisté dans sa résolution. Si son caractère s'était amélioré, ce serait peut-être possible, mais il n'en est rien. Depuis qu'elle se sait riche, elle est plus dure encore. Elle ne parle que de sa fortune. Je l'entendais l'autre jour bavarder avec Marie-Ange. Toute sa préoccupation est de savoir si elle sera plus riche que Julien. Elle veut être marquise en se mariant, parce que Julien ne pourra jamais être marquis. Maintenant, plus que jamais, il faut donc que nous nous en séparions. Il avait fallu se résigner. Les enfants étaient restés seuls à la maison, et à peine leur mère était-elle partie, que trompant la surveillance de Marie-Ange, il s'était échappé pour rejoindre Hutin, qui gardait ses moutons dans le champ joignant les bâtiments de la ferme. Les agneaux, nés en février, commençaient à être forts. Ils accompagnaient les mères au pâturage. C'était pour les enfants un plaisir dont ils ne se lassaient pas, de jouer avec eux et de leur attacher des rubans au cou. Ils ressemblaient ainsi à un grand tableau de la salle à manger, sur lequel on voyait des bergers en veste de satin, gardant des moutons roses dans des buissons bleus. Hutin les laissait faire, et pourvu qu'il n'épouvantasse pas les brebis, il s'amusait lui-même à cet amusement. Assis au bord du chemin, ses chiens auprès de lui, il les regardait et souriait placidement. Il y avait à peu près une heure qu'Armand et Martel avaient passé devant lui en voiture. Lorsque dans le chemin du village, il aperçut un étranger qui semblait se diriger vers la ferme. C'était un homme qui paraissait avoir 40 ans à peu près. Il était assez misérablement vêtu, son paletot était sali plutôt qu'usé, son pantalon gris faisait une large poche à l'endroit où le genou force, son chapeau était rougi et bossué. Lorsqu'il approcha, Hutin remarqua que son teint était d'une pâleur plombée. Sa barbe brune, qu'il portait longue, commençait à blanchir par places. « C'est ça la ferme de M. Martel ?» dit-il lorsqu'il fut arrivé devant le berger. « Oui. On m'a dit dans le village qu'il n'était pas chez lui. » Et madame non plus. C'est vrai, ils sont sortis. Est-ce qu'ils vont revenir bientôt ? Hutin, qui avait été 10 ans en bagne et qui pendant 1 an avait vécu au milieu des repris de justice et des forçats en rupture de ban, se connaissait en mauvaise figure. Celle qu'il avait devant lui l'impressionnait désagréablement. Et quoi qu'on pût voir une certaine beauté dans les lignes principales, il y avait dans l'expression générale, dans les yeux surtout et dans la bouche, une insolence, une dureté qui mettait mal à l'aise. « Je suis le berger. » dit Hutin. « Ce n'est pas à moi qu'ils comptent leurs affaires. » À cette réponse bourrue, l'étranger, qui avait posé assez durement ses demandes, changea de ton. « Ne vous fâchez pas, mon brave, » dit-il familièrement. « Sans qu'on vous rende de compte, vous pouvez bien savoir quand vos maîtres rentreraient. Je n'en sais rien, mais les gens de la maison doivent le savoir. Si vous voulez y aller, c'est tout droit, la première grande porte. Merci. Vous pouvez tout aussi bien que les gens de la maison faire ce que j'ai à vous demander. » Son ancienne vie avait habitué Hutin à la défiance, et il était disposé à voir dans tous ceux qu'il ne connaissait pas, des gens de police ou des huissiers, ce qui pour lui était tout un. Il croyait bien que son maître n'avait rien à démêler avec ces gens-là, mais après tout on ne pouvait pas savoir. « C'est selon, » dit-il sans s'engager. « C'est bien simple, et ce que j'attends de vous ne vous donnera pas beaucoup de peine. » « Je ne crains pas la peine, les maîtres sont de braves gens qui savent la payer. » « Cela ne vous compromettra pas non plus. » « Dites qu'on voit. » « Voulez-vous remettre cette lettre à Madame Martel en particulier ?»« Vous comprenez, en particulier. En cachette, quoi. Sans la montrer à personne, sans que personne vous voie. » Il réfléchit un moment. « Cette lettre, » dit-il avec hésitation, « c'est le piéton de la poste qui remet les lettres. Oui, mais j'aime mieux qu'elle ne passe pas par la poste. Ça, c'est pas l'embarras. C'est pas trop sûr, la poste. Donnez-la. » Et il tendit la main pour prendre la lettre. Dessus était une pièce de 5 francs. Il la repoussa. « La lettre oui, l'argent non. Si madame est contente que je lui remette ce papier, elle me dira merci. Si elle n'est pas contente, je ne veux pas avoir votre argent en poche. Eh bien, mon brave, je vous dis merci d'avance, puisque vous aimez mieux cette monnaie-là que la vraie, à votre choix. » À ce moment, des cris joyeux retentirent au bout du champ. Les enfants avaient noué avec une même faveur 2 agneaux, et ils s'amusaient de les voir tirer en sens contraire. « Voulez-vous bien les détacher ? » cria Hutin. « Où je vais vous renvoyer à la maison, mademoiselle Victorine, je le dirai à votre maman. »« C'est la fille de madame Martel ?» demanda l'étranger d'un ton qui parut singulier à Hutin. Oui, c'est la fille de son premier mari. Elle nous fait assez enrager. On dit qu'elle ressemble à son père. Ah, et ce petit garçon, c'est le fils du maître. Merci. Et quittant Hutin, il reprit la route du village. Les enfants qui s'étaient sauvés en entendant Hutin les gronder et qui commençaient à être fatigués de jouer avec les moutons étaient assis au bord de la route sur le tronc d'un arbre renversé. Hutin vit l'étranger s'arrêter auprès d'eux et leur parler, mais il était trop loin pour entendre ce qu'il disait. « Mon enfant, dit l'étranger à Victorine, savez-vous quand votre maman reviendra ?» La politesse n'était pas la qualité dominante de Victorine, et quand des gens qu'elle ne connaissait pas ou n'aimait pas l'interrogeaient, elle leur tournait souvent le dos avec mépris. Ce fut son premier mouvement en voyant cet inconnu se permettre de lui parler sans l'avoir salué. Mais il y avait dans le regard qu'il attachait sur elle quelque chose de doux, dans sa parole une certaine tendresse qui l'arrêtèrent. « Maman ne sera pas bien longtemps maintenant, dit-elle. Une heure, deux heures peut-être. Elle n'est pas partie loin ? Non, à Villeneuve, avec papa Martel, voir la pension où je vais entrer. Ah, vous allez en pension. Oui, papa Martel le veut et maman n'ose pas dire non. Il est donc méchant pour vous, votre papa Martel ? Elle ne répondit pas. Cela vous ennuie d'aller en pension ? Dit l'étranger quand il vit bien qu'elle ne voulait pas répondre. « Non. Vous êtes donc malheureuse ici. » Elle garda encore le silence. Julien avait tout d'abord écouté cette conversation, puis comme elle ne l'amusait pas, il avait quitté l'arbre et il cueillait des primes verts sur le talus du chemin. « Si vous ne voulez pas aller en pension, il faut le demander à votre maman. Elle saura bien vous garder. Je ne tiens pas à rester. Et puis maman fait ce que veut papa Martel, et il veut que j'y aille. Est-ce que vous le connaissez, papa Martel ? Oui. Alors vous savez bien qu'il faut qu'on lui obéisse toujours. Il n'est pas votre papa. Non, mon premier papa est mort. Vous le rappelez-vous, votre premier papa ? Oui, il faisait toujours pleurer maman. Depuis qu'il est mort, elle ne pleure plus. Cela vous a fait de la peine quand vous avez appris sa mort ? Oui, et à maman aussi. C'était dans notre petite chambre où il y avait un arbre devant la fenêtre et où maman travaillait toujours. Le domestique de papa Martel est venu apporter une lettre, maman l'a lue et puis elle a fait « Ah mon Dieu !» Je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle m'a dit « Ton pauvre père est mort. » Et elle m'a pris dans ses bras. J'ai pleuré aussi. Mais j'étais bête parce que j'étais petite. C'est heureux qu'il soit mort. Il prenait tout l'argent de maman. Et s'il était encore vivant, nous serions toujours dans la misère. Et ce n'est pas amusant, la misère. On ne mange pas ce qu'on veut et on va à pied. Qui vous a dit cela, que vous seriez malheureux si votre papa vivait ? Marie-Ange, qui l'a bien connu, et tout le monde. Martel ? Non. Papa Martel dit que c'était un malheureux. Et quand je fais mal, il dit que je lui ressemblerai. Mais ça n'est pas vrai. Je ne ferai jamais pleurer maman. S'il n'avait pas d'argent, je lui en donnerais, car je suis riche, moi. On parle donc souvent de lui ? Jamais. C'est défendu d'en parler devant maman. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais un jour que Marie-Ange en avait parlé, papa Martel le lui a défendu. Il a même dit « Si vous vous rappelez jamais le passé, il faudra nous séparer. Votre maîtresse a été malheureuse avec ce misérable. Laissez-la oublier. » Il était très en colère. Si en colère qu'il a cassé le vase bleu. Et votre maman, elle n'en parle donc jamais, elle ? Non, jamais. Même à vous ? Oh, si, à moi, elle en parlait autrefois. Elle me faisait toujours dire dans ma prière, « Mon Dieu, ayez pitié de mon pauvre père et pardonnez-lui. » Autrefois ? Pas maintenant ? Maintenant, elle ne me fait plus ajouter ça. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas, moi. Et depuis quand ne vous fait-elle plus dire cette prière ? Il y a longtemps, un an, peut-être deux ans. Oui, deux ans. Et vous, vous ne l'ajoutez pas de vous-même ? Non. Vous n'avez donc pas gardé souvenir de votre père ? Si, je m'en souviens. Il avait la barbe noire bien douce et des grands yeux, comme vous, mais plus beaux. Il était toujours parti. Il ne nous aimait pas. Qui vous a dit cette infamie ? Ce n'est pas une infamie, c'est la vérité. S'il nous avait aimés, il ne nous aurait pas abandonnés. C'est sûr, ça. Quand on aime les personnes, on reste avec. Papa Martel, qui aime bien maman, reste toujours à la maison. Et quand il sort, tout le monde sort avec lui. Mais papa Martel n'a pas de maîtresse, lui. Et mon premier papa en avait une gueuse qui nous a ruinés, dit Marie-Ange, et qui a fait manger du pain sec à maman. Cette conversation eut pu se continuer longtemps encore, car Victorine était comme tous les enfants qui, lorsqu'ils ont rencontré un auditeur et un questionneur, bavarderaient toute la journée, racontant leur histoire, celle de leurs parents, celle de leurs amis. Mais Hutin, surpris de la voir se prolonger ainsi, descendit du champ vers la route, et en le voyant s'avancer, l'étranger interrompit ses questions. « Vous n'attendez donc pas maman ?» demanda Victorine. « Non, je reviendrai. »« Alors adieu, monsieur. »« Voulez-vous m'embrasser » dit-il en s'avançant vers elle et en lui tendant les bras. « Non, je n'embrasse pas les messieurs que je ne connais pas, et je ne vous connais pas, vous. Moi, je veux bien vous embrasser, dit Julien, survenant les mains pleines de primaire et se dressant sur ses petites jambes, mais il le repoussa et en même temps recula de quelques pas. Pourquoi repoussez-vous, mon frère ? Dit Victorine. Vous êtes donc méchant. Viens, Julien ! Et elle lui tourna le dos. C'est un ami de papa Martel ? Dit-elle à Hutin, lorsqu'elle eut rejoint celui-ci. Je n'en sais rien. Il est tout drôle. Il vous fait des questions, et puis quand on lui répond, ça a l'air de lui faire de la peine. Hutin était fort embarrassé de sa commission. Il se demandait s'il devait s'en acquitter. Cet étranger ne lui plaisait pas. Ses manières, sa tournure, sa longue conversation avec Victorine, tout cela n'était pas clair. Que pouvait-il vouloir à Madame Martel ? Pourquoi ne s'adressait-il pas franchement à elle ? Pourquoi ce mystère ? Enfin, il avait promis de remettre la lettre, il devait la remettre. Une lettre n'était pas une machine infernale. S'il ne l'avait pas prise, un autre s'en serait chargé. Il n'avait qu'une chose à faire, exécuter adroitement ce qui lui avait été recommandé. Cela lui était assez difficile, car vivant presque constamment dehors, il restait quelquefois pendant plusieurs jours sans voir Madame Martel. Cependant, le soir même, comme il sortait de la cuisine où il était venu arranger sa lanterne, il se trouva face à face avec elle dans le vestibule de service. Elle était seule, les gens dînaient, et l'on entendait Martel qui jouait dans le jardin avec les enfants. « Madame, dit-il, voilà une lettre qu'on m'a dit de vous remettre. Merci, Hutin. » Elle la prit et la mit négligemment dans sa poche. « C'est qu'elle est peut-être bien pressée, » dit-il. « Eh bien, je vais la lire tout à l'heure. C'est qu'on m'a dit de la remettre à madame toute seule. » Elle le regarda, surprise de cette insistance singulière. « C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à ce soir. » Elle tenait un bougeoir à la main. Elle le posa sur une table et ouvrit la lettre. À peine avait-elle jeté les yeux dessus qu'elle poussa un cri étouffé. Hutin, qui s'en allait, se retourna. Elle était appuyée d'une main sur la table, et dans son autre main, la lettre tremblait comme une feuille au bout d'une branche, secouée par une bourrasque de novembre. Elle était si affreusement pâle qu'il eut peur. « Madame, dit-il en s'avançant, est-ce qu'il faut appeler ? « Non, n'appelez pas, allez-vous-en. » Il fit quelques pas pour obéir, elle le rappela. « Quand vous a-t-on remis cette lettre ? » demanda-t-elle d'une voix saccadée et tremblante. « Aujourd'hui, tantôt vers 2 heures de relevé. » « Qui ? » « Un monsieur de 38 à 40 ans. » Il porte toute sa barbe et de longs cheveux noirs. Il se dandine un peu en marchant et rejette sa tête en arrière. De grands yeux, un signe brun sur la joue droite, oui. Mon Dieu, dit-elle d'une voix basse, que vous a-t-il demandé ? De remettre cette lettre à madame quand elle serait seule, que c'était pour une affaire particulière. C'est bien. Ah, si monsieur me demande, vous direz que je suis là, dans le chemin, à prendre l'air. Oui, madame. Elle sortit, elle était tête nue, en toilette d'appartement. Elle ne se donna pas le temps de prendre un vêtement, ou tout au moins, elle n'y pensa pas. « C'était donc un rendez-vous, » pensa Hutin. Il fit quelques pas derrière elle et regarda par où elle allait. Elle longeait le mur du jardin et suivait le chemin opposé au village. Au bout du mur, elle tourna à droite et disparut. « Elle prend le chemin des champs, » tonnerre de chien. « Je jurerais que ce gars-là a dans les mains de quoi la faire chanter. Avec une face comme ça, c'est sûr. Et elle y va, elle n'a pas peur. Faut-il qu'il la tienne ?» Il resta un moment pensif, puis, tout à coup, soufflant sa lanterne et retirant ses sabots qu'il prit à sa main, il suivit le chemin où Armande s'était engagée. Arrivé au bout du mur, il vit confusément dans la nuit une ombre, c'était elle. Elle allait à grands pas droit devant elle sans se retourner. De temps en temps, on entendait le bruit d'un caillou qui roulait sous ses pieds. La nuit était sans lune, mais il faisait un beau clair d'étoiles. C'était une soirée d'avril chaude et parfumée. La plaine était déserte. Une double rangée de pommiers tortueux comme ceux qu'on cultive dans l'île de France jetait des ombres capricieuses dans le chemin. Protégé par ces ombres où se confondait la sienne, Hutin s'avançait pieds nus et suivait Armande à une prudente distance. On ne rencontrait pas de croisée de route avant au moins 5 minutes. Il était sûr de l'avoir devant lui. Pourvu qu'il fût à portée d'entendre sa voix si elle appelait à l'aide, cela suffisait à son dessein. Il fut bientôt forcé de s'arrêter. La rangée de pommiers ne se continuait pas, et le chemin, qui jusque-là avait été à moitié encaissé, courait maintenant à plat, à travers les champs parfaitement de niveau. Quelques pas de plus, il arrivait à l'arbre du petit Ramona, ainsi nommé dans le pays parce qu'un petit ramoneur s'y était appuyé dans une journée d'hiver pour se mettre à l'abri d'une rafale de neige et qu'il y était mort de froid. C'était là sans doute que le rendez-vous avait été fixé. Il ne se trompait pas. Bientôt, il entendit un bruit de voix qui lui arrivait confusément, assez distinct pour reconnaître que c'était un homme et une femme qui parlaient, mais trop faible à cause de la distance pour entendre ce qu'ils disaient. La plaine était entièrement découverte. Il n'y avait pas moyen d'avancer plus loin. Il quitta le chemin où il était en vue et se blottit dans une pièce de seigle déjà assez haut pour le cacher facilement. Lorsqu'Armande arriva au carrefour des chemins, elle aperçut une ombre qui se détachait de l'arbre et qui s'avançait au-devant d'elle. « C'est vous ? » dit-elle d'une voix si basse qu'elle était à peine intelligible. « Oui, il y a une heure que je vous attends, mais la nuit est belle. Je n'ai pas pu venir plus tôt. C'est tout à l'heure seulement qu'on m'a remis votre lettre. Je n'avais pas d'inquiétude. J'étais bien certain que vous viendriez. Ah ça, vous n'avez pas eu peur en recevant ma lettre ? Vous n'avez pas cru qu'elle était écrite par un revenant ? Je savais que vous étiez vivant, vraiment. On vous avait vu à Londres. Ce prétendu cerf de Sepp, stupide bête que je suis. Si je n'avais pas été gris comme un alderman, je l'aurais reconnu. Dites donc, savez-vous que pour une femme qui avait la preuve que son mari était vivant, vous ne vous êtes guère occupé de lui ? C'est léger, ça. Vous étiez-vous occupé de moi ? Oh, oh ! Si nous récriminons, nous passerons la nuit au pied de cet arbre. Et ce n'est pas pour ça que je suis venu. Au fait, que voulez-vous ? Demanda-t-elle avec une résolution impatiente. Voilà qui est parlé. J'aime ce courage. Mais il ne m'étonne pas. Vous avez toujours été brave quand il le fallait. Ce que je veux est bien simple. Je suis votre mari. Elle fit un geste pour interrompre. Je suis votre mari pour vous avoir épousé, après toutes les formalités remplies, devant monsieur le maire de Plorac. Il n'y a pas de mari plus légal que moi. Ceci est bien certain et vous ne pouvez pas le contester. Pour que je ne fusse pas votre mari, pour que vous ne fussiez pas ma femme, il faudrait que je fusse mort. Et précisément, je suis ressuscité. Vous avez pu croire que vous étiez veuve, cela est sûr. Maintenant que je suis là devant vos yeux en chair et en os, plus en os qu'en chair, cependant, vous êtes forcé de reconnaître que c'était une erreur. À qui est-elle due, cette erreur ? À moi, j'en conviens. Mais j'avais mes raisons. Aujourd'hui, ces raisons n'existent plus. Je rentre dans ma peau et dans mon nom, et je viens vous réclamer. Vous ? Vous ? Et elle fit quelques pas en arrière. Voilà une surprise qui n'est pas flatteuse. Cependant, en recevant les quelques mots où je vous priais de vous rendre ici, vous deviez bien prévoir un peu ce que je viens de vous dire, et vous ne me feriez jamais croire que vous aviez pensé qu'il était question de nous entretenir des étoiles et du printemps. Je vous ai demandé un rendez-vous secret, parce que pour vous et pour moi, il me plaisait d'éviter le scandale. Mais j'ai le droit de faire ma réclamation hautement, ne l'oubliez pas. Il dit cela d'un ton dur et impérieux qui la fit frissonner. Combien elle était changée, cette voix qu'elle avait entendue si douce. Combien elle était effrayante, cette parole sèche, dans sa netteté et son cynisme. C'était là l'homme qu'elle avait aimé. L'obscurité l'empêchait de bien distinguer ses traits, mais elle ne le reconnaissait ni dans ses gestes, ni dans son attitude. Il reprit. « Vous connaissez maintenant mes intentions. J'espère que vous ne ferez pas de difficultés pour les suivre. »« Jamais !» s'écria-t-elle désespérément. « Cela est un grand mot. Ne nous emportons pas, et parlons raisonnablement. Depuis que vous êtes ici, j'ai tâché de cacher mon émotion. Mais en vous revoyant, j'étais ému, Armande, très ému. On n'a pas vécu comme nous avons vécu ensemble, sans qu'il se restait des souvenirs dans le cœur. Et je suis surpris qu'ils n'aient point parlé chez vous comme ils ont parlé chez moi. Depuis que nous sommes séparés, ma vie n'a pas toujours été heureuse. Je n'ai pas toujours mangé quand j'avais faim. Je n'ai pas toujours dormi sous un toit. J'ai fait bien des choses, bien des métiers, et j'en ai souffert. Pendant ce temps-là, vous étiez, vous, heureuse et riche, et quand j'errais dans les rues de Saint-Gilles sans un paletot et sans une croûte, j'ai pensé bien souvent à vous. À cette vie-là, les passions s'usent, et la raison vient. Elle est venue pour moi. Je me suis dit que tout misérable que j'étais, sans un ami comme sans le sou, j'avais une femme et un enfant. Croyez-vous, Armande, que j'ai vécu 7 ans sans penser à ma fille ? Je suis rentré en France et je suis venu à vous, me voilà. À tout péché, miséricorde. Vous avez des reproches à m'adresser, c'est vrai, je le confesse. Moi, votre mari, j'ai un compte sévère à vous demander. L'un et l'autre, oublions. Pour vous aussi, l'âge des passions doit être passé et la raison doit être venue. Vous avez été coupable. C'était lui qui accusait. Elle était confondue et ne trouvait pas un mot à répondre. « Ce que je vous propose, dit-il en continuant, Ce n'est pas une vie d'amour, ce mot ne peut plus être prononcé entre nous. C'est une vie honnête et calme telle qu'elle convient à ceux qui ont été éprouvés comme nous. Nous avons des devoirs à remplir envers notre fille. Il est temps d'y penser, s'il n'est déjà trop tard, car je l'ai vue, ma fille. J'ai causé avec elle. J'ai appris qu'on l'avait élevée à mépriser son père. Ah, de toutes les souffrances qui m'attendaient ici, celle-là m'a été la plus cruelle. Vous me croyez peut-être tombé bien bas, mais quand j'ai entendu ma fille me dire « Mon père était un misérable et c'est heureux qu'il soit mort. Pensez-vous que je n'ai rien ressenti là ?» Il se frappa la poitrine, et pour la première fois depuis qu'il parlait, Armande reconnut son accent d'autrefois. « Vous alliez la mettre en pension, paraît-il. Je comprends, elle était gênante. Heureusement, j'arrive à temps. » Si plus tard elle a des reproches à adresser à son père, elle se souviendra au moins qu'il a su empêcher son exil. Autrefois, vous aviez horreur des pensions. Vous avez changé. Il est regrettable que ce changement arrive précisément au moment où Victorine se trouve riche. Comme elle étendait la main pour repousser cette accusation, « Oh, ce n'est pas vous que j'accuse, mais celui qui vous a inspiré cette idée. Ainsi, vous savez que Victorine est riche, parfaitement. Car bien qu'éloigné de vous, je n'étais pas si étranger que vous pouviez le croire, à ce qui vous touchait. Je sais que M. de Tréfliant a, par son testament, laissé à Victorine une 20 000 francs de rente, dont vous avez l'usufruit jusqu'à sa majorité. Je sais comme cela beaucoup d'autres choses encore. N'est-ce pas mon devoir et mon intérêt de tout savoir ?»« Votre intérêt, oui !» s'écria-t-elle avec véhémence, « mais ne parlez pas de devoir. J'étais confondu tout à l'heure d'entendre ces mots dans votre bouche. Au nom de la morale et du devoir, vous m'accusiez, vous accusiez l'homme que j'aime, vous parliez de dignité, de raison, et je me demandais si c'était bien vous. Maintenant vous parlez d'intérêt, je vous retrouve. Que ne m'avez-vous dit plus tôt que vous vouliez l'usufruit de cette fortune, dont je ne profiterai point comme vous le croyez, mais que je lui garderai pour doubler ce qui lui a été donné? Voilà l'idée qui m'a été inspirée par celui que vous accusiez, par celui qui depuis 7 ans a pris soin de votre fille que vous abandonniez. » Il s'avança, lui posant la main sur l'épaule. « Pas de reproches, » dit-il. « Je ne suis pas d'humeur à les entendre. Ici, c'est à moi d'en faire, non d'en recevoir. Ne l'oublions pas. Vous avez fait des progrès depuis que nous nous sommes quittés. » À ce contact, elle se sentit faiblir et trembler. Elle recula. « Donc, » reprit-il, « vous trouvez surprenant qu'alors que je n'ai rien et que je meurs de faim, il faut bien dire la vérité, vous trouvez surprenant que je veuille ma part de la fortune qui vous arrive. À qui d'ailleurs a-t-elle été donnée cette fortune? Est-ce à la petite fille de M. de Kergomar ou à celle de Mme Berthaud? Tout à l'heure, je vous disais que j'avais réfléchi et que la vie m'avait sûrement enfoncé l'expérience dans le cœur, et c'était vrai. J'ai fait des folies, de mauvaises actions, si vous le voulez, mais de tout cela, je suis là et dégoûté. J'aspire, oui, j'aspire à la tranquillité et à l'honnêteté. Avec 20 000 francs de rente, je peux trouver cette tranquillité et redevenir l'homme que j'étais il y a 10 ans, l'artiste que j'aurais pu être. Ces 20 000 francs de rente, vous les avez? Je suis votre mari, j'en veux ma part. Vous voyez que je suis franc. Parce que l'argent se mêle à mon devoir, vous ne pensez qu'à l'argent, il faut penser à tout. » Elle n'était plus au temps où de pareilles paroles pouvaient l'émouvoir, et en y recourant, il était resté de 7 années en arrière. Autrefois, elle avait pu croire à la sincérité de ses regrets et de ses projets. Pour les éprouver, pour le mettre à même de les réaliser, pour faire des tentatives qu'elle savait désespérer, elle s'était imposé une épouvantable vie. Aujourd'hui, l'expérience était pour ses paroles, ce que la lumière du grand jour est pour les oripeaux de théâtre. Elle leur donnait leur vraie valeur. « Eh bien, » dit-il, « vous ne répondez pas. » « Que puis-je répondre? Si je suis votre femme, ne suis-je pas aussi celle d'un autre? Sa maîtresse, ce qui n'est pas du tout la même chose, aux yeux de la loi, au moins. » Vous auriez pu m'épargner cette injure. Vous savez bien que je n'aurais jamais été la maîtresse de personne. Ah, ça! De quel nom appelez-vous donc une femme qui aime un homme et qui en a un enfant? S'il n'est pas son mari, il est son amant, peut-être. Il est mon mari. Après votre mort supposée, mais que nous croyons vraie, nous nous sommes mariés en Italie. C'est à mon mari, à celui que j'aime, que je suis et serai fidèle. » Il resta un moment sans répondre, mais bientôt avec une ironie insolente. « Ceci est bon pour la morale, » dit-il, « et j'avoue même que personnellement j'en suis heureux. Quand on reprend sa femme, mieux vaut la reprendre dans ces conditions. Au fond, il n'en est ni plus ni moins, mais enfin les apparences sont sauvegardées. je serai à la fois votre premier et votre troisième mari. Le second aura été un usurpateur, voilà tout. Ce que vous m'avez dit là, c'est votre conscience qui vous l'a inspiré, et je l'ai reconnu. Mais franchement, vous savez bien que ce mariage étranger est absolument nul, n'est-ce pas? Qu'il n'y en a qu'un qui est peut-être valable le nôtre. Je vous l'ai dit, et vous le répète, je suis votre mari et veux l'être. « Mon Dieu, » dit-elle en se tordant les mains, « n'aurez-vous donc pas pitié ?» Il l'interrompit. « Écoutez, je comprends que vous soyez bouleversé, et vos réponses me prouvent que vos idées se troublent. Vous ne sentez pas la force de ma situation. Je vous donne jusqu'à demain pour réfléchir et vous déterminer. Seulement, n'oubliez pas que la loi est pour moi, et que je peux vous faire prendre de force de cette maison. » Il montra la ferme aux fenêtres de laquelle brillaient quelques lumières. « Pour vous ramener dans la mienne. Si vous ne vous décidez pas de bonne volonté, je vous jure que je le ferai. » Elle écoutait, tremblante. « On doit être inquiet de votre absence. Vous pouvez rentrer. » Elle était retombée sous la domination de cette dure parole. Elle fit quelques pas pour s'éloigner. « Armande, » dit-il, elle revint. « Il est regrettable que cette nuit soit sombre. Les années paraissent avoir passé sur vous sans vous atteindre. J'aurais voulu vous voir. Demain, ici, à la même heure. Et souvenez-vous que si vous n'êtes pas décidé, j'ai les moyens de vous contraindre. » Elle s'éloigna à grands pas du côté de la ferme. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans l'obscurité, puis il prit lui-même le chemin qui, à travers la plaine, conduit à Villeneuve. Alors, le seigle immobile sous le calme de la nuit s'agita avec des froissements, et au pied même de l'arbre, Hutin se dressa. « Ah, tu veux la faire chanter, » dit-il entre ses dents. « Eh bien, à demain. » Il se secoua comme un chien mouillé. Il était ruisselant de rosée. Il avait dû faire une longue route dans le seigle en se traînant à plat ventre. « Où étais-tu donc ?» demanda Martel à Armande lorsqu'elle rentra. « Là, dans le chemin, je prenais l'air. La soirée est belle. J'étais jusqu'au village. Je t'ai cherché partout, dans le jardin, dans la cour. J'avais dit à Hutin de te prévenir que j'étais dans le chemin. Hutin, je l'ai cherché aussi, je ne l'ai pas vu. Comme tu es pâle, tu auras eu froid. Tu ne devrais jamais sortir sans te couvrir la tête. Veux-tu que je demande du feu ? Non, merci. Mais tu trembles. » Il prit une brassée de sarment dans le coffre à bois, la jeta dans la cheminée et l'alluma. Pendant qu'il était baissé, la tête dans les cendres, Armande faisait effort pour arrêter les palpitations de son cœur et se remettre un peu. « Je ne sais pas ce que Victorine m'a conté, » dit-il tout en promenant le papier enflammé sous les sarments. « Elle a rencontré tantôt, pendant que nous étions à Villeneuve, un monsieur qui lui a fait toutes sortes de questions. Elle a dit qu'il n'est jamais venu ici. » Il se releva. « Mais tu as les pieds tout mouillés. Tu as marché dans la rosée. Assieds-toi, donne-moi tes bottines que je les délasse. » Il la fit asseoir presque de force en face le feu et se mettant à genoux, il défit les lacets. Puis, continuant, « Elle est toute stupéfaite de la curiosité de ce monsieur. J'ai cru un moment que c'était une histoire qu'elle me contait comme à l'ordinaire. Mais Julien dit que c'est vrai, que c'était un monsieur avec de grands cheveux et une grande barbe. Il paraît que Hutin aussi l'a vu, et même qu'il lui a parlé. « C'est peut-être un fanatique, » dit-il en riant. « En voilà un triomphe. Un amant des beaux-arts qui vient de Paris exprès pour avoir le plaisir de contempler le toit qui abrite ma gloire. Tu vois que les journaux servent à quelque chose. Veux-tu tes pantoufles ?» Il sonna. Marie-Ange parut. « Madame, » dit celle-ci, « Monsieur Julien vous demande. Il fait le diable dans son lit. Elle ne peut pas dormir sans que vous l'ayez bordé. J'y vais. Es-tu réchauffé au moins ? Oui, merci. » Il était temps qu'elle sortît. Elle étouffait. Elle avait besoin d'être seule. Sa tête éclatait. Quoique Martel ne se préoccupât que très peu de ce monsieur qui questionnait tout le monde, il avait cependant la curiosité de savoir qui ce pouvait être. Et Armande montait à la chambre des enfants, il sortit pour aller interroger Hutin. Précisément, celui-ci venait de rentrer. Il était en train d'emplir les râteliers de trèfle rouge. « Quel est donc ce monsieur qui tantôt rôdait autour de la ferme ?» demanda Martel. « Dame, notre maître, je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé son nom. C'est un monsieur pas tout à fait aussi fort que vous, avec des cheveux noirs et une grande barbe brune. C'est un monsieur qui a été un monsieur pour sûr, mais qui n'a plus l'air d'être un monsieur. Il vous a parlé ?»« Oui. » Hutin s'arrêta. « Là du trèfle qui est bien humide, » dit-il en détournant la conversation. « Il faudrait que Jacques ne le fauche que quand le soleil a lui. »« C'est bon, je le préviendrai, » dit Martel, voyant qu'il ne voulait pas répondre et lui tournant le dos. Mais il n'avait point fait quelques pas que Hutin le rappela. « Notre maître ? Eh bien. » Notre maître, je ne suis pas une bonne tête, ça c'est sûr. Mais le cœur n'est pas mauvais, allez. Ce que j'ai à vous dire, faut-il vous le dire, j'en sais rien. Et j'en suis à me le demander, mais si je vous le dis, c'est parce que madame c'est le bon Dieu, et qu'elle ne peut pas faire mal. Si c'était une autre, je ne le dirais pas. Après tout, si j'ai tort, je m'en irais, mais il me semble que j'aurais plus tort si je ne vous le disais pas. Pour lors, voilà que ce monsieur qui rôdait tantôt me demande si je veux remettre une lettre à madame, en cachette. Ça ne m'allait pas. Pourtant, je la prends tout de même. Je vais brûler la main qui l'a prise. Il se donna un vigoureux coup de poing sur la main droite. La lettre, je l'ai remise à madame, et voilà qu'elle a paru toute versibulée. Et puis voilà qu'elle a été à l'arbre du petit Ramona où le monsieur l'attendait. Ce qu'il lui a dit, ce qu'elle lui a répondu, je ne le sais pas. Mais en la quittant, il lui a dit comme ça, d'une voix pas douce, « Demain, ici, à la même heure. Et souvenez-vous que si vous n'êtes pas décidé, j'ai les moyens de vous contraindre. » Uther avait parlé les yeux baissés. Quand il les releva sur Martel, il le vit aussi affreusement livide qu'Armande au moment où elle avait ouvert la lettre. Il les rebaissa aussitôt. Martel demeura assez longtemps immobile, comme s'il était seul, et n'avait rien entendu. Puis d'une voix qui deux ou trois fois s'arrêta dans sa gorge. « Hutin, vous êtes un brave homme. Je crois que vous nous êtes dévoué. Je vous demande un service. Ne parlez à personne de cette lettre. Ne dites à personne que vous m'en avez parlé. » Lui, c'était lui. Il n'eut pas un moment d'hésitation. Comme le disait Hutin, Armande ne pouvait pas faire mal, et le soupçon de la jalousie ne se présenta même pas à son esprit. L'émotion, la pâleur, le tremblement d'Armande étaient expliqués. C'était là qu'elle s'était mouillée les pieds. Mais pourquoi n'avait-elle pas dit franchement d'où elle venait? Pourquoi ce silence, cette dissimulation? Il devait le revoir le lendemain. Qu'espérait-elle donc, ou plutôt, quel était son désespoir? Avait-elle une résolution arrêtée? Si oui, pourquoi ne la lui disait-elle pas franchement? Sinon, pourquoi ne le consultait-elle pas? Le danger était assez grand pour qu'ils se réunissent. Était-il donc séparé d'esprit et d'action? Il la retrouva dans la chambre de Julien, assise auprès de son lit. La nuit fut épouvantable pour tous deux. Ce fut la nuit de naufragés battus sur une misérable épave par le vent et la mer. Mais au moins, les naufragés ont une dernière espérance, le jour qui leur montrera une voile ou la côte. Eux, qu'avaient-ils à attendre du jour? Toutes les idées possibles et impossibles lui traversèrent l'esprit. S'il allait lui-même au rendez-vous, s'il le tuait, s'il faisait appel au sentiment d'honneur qu'il avait autrefois trouvé en lui, s'il lui offrait une somme considérable et une rente annuelle pour quitter la France. Il la vit peu dans la journée, elle l'évitait. Cependant, cette mortelle journée s'avança vers le soir, et l'espérance qu'il avait toujours eue, qu'il viendrait se jeter dans ses bras, ne se réalisa pas. Comme le soleil commençait à baisser, il la vit, de la grande fenêtre de son atelier, marchant fiévreusement dans le jardin. Elle suivait une allée droite de tilleuls, puis, arrivée au bout, elle revenait sur ses pas, et toujours ainsi. Assurément, elle se croyait seule, et elle agitait sa résolution, bien certainement non encore arrêtée. Caché derrière le rideau, il resta à la regarder pendant plus d'une heure. Sur sa figure, on lisait les angoisses de sa préoccupation, dans ses gestes, son attitude, le mouvement de ses yeux et de ses lèvres, les résolutions qu'elle balançait sans pouvoir se fixer. Il la connaissait si bien qu'il devinait ce qui se passait en elle presque aussi clairement que si elle eût pensé tout haut et qu'il eût entendu ses paroles. Deux fois, elle se dirigea vivement vers la maison pour venir à lui et demander son appui, et deux fois, elle reprit lentement l'allée où elle marchait. Elle ne parlerait pas, cela était bien certain, elle irait au rendez-vous, cela était plus certain encore. Mais pourquoi ne parlerait-elle pas? C'était ce qu'il ne pouvait deviner. Les idées se heurtaient, se confondaient en elle, et bien certainement aussi, quoique décidée à aller à ce rendez-vous, elle ne savait ni ce qu'elle dirait, ni ce qu'elle y ferait. Il avait cru qu'elle lui donnerait un prétexte pour sortir. L'heure venue, elle se leva. Il s'était promis de ne rien dire, cependant il ne put retenir une parole. « Où vas-tu? J'en reviens tout à l'heure. » Son premier mouvement fut de s'élancer après elle. Mais arrivé à la porte, il s'arrêta, et après quelques secondes d'hésitation, il la ferma au verrou. Quoi qu'elle fît, il fallait qu'elle le fît librement. Il s'assit, et s'enfonçant la tête entre ses mains, il se mit à compter tout haut. 1, 2, 3. Cela peut-être l'empêcherait de penser. Si elle allait ne pas revenir et partir avec lui, cette angoisse fut la plus horrible et le fit défaillir. Mais non, il avait foi. Elle l'aimait, elle reviendrait, elle lui dirait tout. Il alla à la porte, tira le verrou et appela les enfants. La veille, Armande était arrivée en retard. Ce soir-là, elle arriva la première. Il y avait déjà un quart d'heure qu'elle attendait, se flattant presque que Maurice ne viendrait pas, lorsqu'elle entendit un bruit de pas dans le chemin. Bientôt, elle le vit paraître, marchant doucement sans se presser et cinglant les épis de sa canne. « Allons, dit-il, j'aime ça. De l'exactitude, c'est bon signe. Je retrouve ma petite femme d'autrefois. On n'a pas été inquiet de l'absence d'hier soir. On n'est pas jaloux alors. Tant mieux, tant mieux. La femme qui n'excite pas la jalousie est celle qui n'a jamais donné prise de soupçon. Voilà qui me rassurerait pour l'avenir, si j'avais besoin de cette nouvelle assurance. » Elle tremblait la veille sous cette parole insolente, mais le premier moment de surprise et d'effroi était passé, elle ne se sentit plus que du dégoût en l'écoutant. « Oh, si je pouvais, moi, retrouver l'homme d'autrefois, » dit-elle. « Eh bien, » interrompit-il d'un ton tout différent, « que feriez-vous ? Je le prierais d'interroger sa conscience, et quand il l'aurait fait en toute sincérité, je lui demanderais si je suis coupable. Et s'il me disait non, je lui demanderais si malgré tout je dois être puni, si mes enfants doivent l'être, si celui que j'aime doit l'être aussi. » Elle pensait à ceux qui étaient sa vie, et dans sa préoccupation passionnée, elle en parlait à celui-là qui, précisément, devait être le plus mal disposé à l'entendre. Ses paroles lui avaient à peine échappé qu'elle sentit sa faute. « Quel malheur, dit-il en reprenant sa voix railleuse, que l'homme d'autrefois ne puisse pas vous entendre. Vous lui diriez, j'en suis sûr, des choses extrêmement touchantes. L'homme d'autrefois a gardé le souvenir de votre éloquence. Il se rappelle que vous avez la corde larmoyante et que vous êtes sans rival pour arracher une résolution. Mais hélas, l'homme d'autrefois n'existe plus. Le monde marche, l'âge aussi. On vieillit, on s'endurcit, on ne pleure plus. L'homme d'autrefois est mort. C'est celui qui s'est suicidé à Naples. L'homme de maintenant vous parle et vous écoute. Qu'avez-vous décidé ? Rien. Alors nous causons d'inspiration. Ce sera plus long, mais qu'importe, nous avons le temps. Nous n'avons donc pas réfléchi. Toute la nuit, toute la journée, j'ai cherché. Avec quelle angoisse, Dieu le sait. Mais à quoi me résoudre ? Puis-je abandonner mes enfants ? Et qui parle de les abandonner ? Ai-je dit cela ? Je les prends ? Et Julien ? Ah, il se nomme Julien. Soit, eh bien, je prends Julien aussi. Elle fit un geste d'horreur. « Oh mon Dieu » s'écria-t-elle. « Ah ça, que veut dire cette indignation ? Pendant que je voyage, vous me donnez un fils. Je viens et je l'accepte. Et vous poussez des cris d'horreur. Quand vous devriez être à mes pieds à me remercier, vous me regardez comme un monstre. » Stupéfaite d'indignation et d'épouvante, elle le regardait sans trouver une parole. Julien, il voulait prendre Julien. Et machinalement, elle serrait ses bras sur sa poitrine comme s'il eût été là, pendu à son sein, comme si elle eût pu le retenir. « Sérieusement, dit-il, croyez-vous que, me décidant à vous reprendre malgré votre faute, je puisse permettre que le fils que vous avez eu d'un autre vive auprès de cet homme, proclamant ainsi hautement ma honte et la vôtre ? Non. Pater isesquem nuptiae demonstrant, enseigne la loi. Autrement dit, le mari d'une femme est le père de ses enfants. Or, comme je n'ai jamais cessé d'être votre mari, je suis le père de Julien. » Ces explications lui parurent tellement monstrueuses qu'elle n'en crut pas un mot. « C'est une ruse pour m'effrayer, » se dit-elle, et au moment où il espérait qu'il l'avait vaincue, il fut tout surpris de la voir se relever. « Seul, je pourrais peut-être me sacrifier encore, » dit-elle. « Jamais mes enfants ne verront l'homme qui est capable de faire ce dont vous venez de me menacer. »« Allons, décidément, vous n'avez pas réfléchi. Et c'est toujours l'inspiration qui parle. Je vous ai dit hier que si vous ne vous exécutiez pas de bonne volonté, j'avais la force pour vous contraindre. Vous ne savez donc pas que vous êtes entre mes mains, vous et votre amant, plus faible que cette paille de seigle ? Je puis entrer dans cette maison qui lui appartient et vous tuer tous les deux. Je puis vous faire amener chez moi par les gendarmes. Je puis vous faire emprisonner l'un et l'autre. Je puis vous prendre vos enfants sans vous prendre vous-même, car je suis votre mari. Tant que je vivrai, Martel, malgré votre prétendu mariage, ne sera que votre amant. Il ne pourra rien pour vous défendre, et c'est quand je peux tout cela, quand je viens à vous, vous proposant amicalement ce que j'ai le droit. Entendez bien ce mot, le droit d'exiger. C'est dans ces conditions que vous me répondez par des injures. Ces jours-là sont passés, il y a longtemps. Quand rentrerez-vous chez moi ? Ah, mieux vaut mourir. Je ne crois pas. et puisque nous réfléchissons ensemble, je vais vous dire pourquoi. Si vous mourrez, vos enfants héritent de vous, et comme je suis leur père, c'est moi qui administre leur fortune. Avec vous, pour me conseiller et me retenir, je peux devenir sage, mais seul. C'est si vite manger une fortune. Allons, résignez-vous, croyez-moi. Tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas pour vous épouvanter, mais seulement pour vous montrer qu'il est impossible de m'échapper. Je comprends qu'il vous en coûte. Vous l'aimez et votre cœur saigne. Mais l'amour n'est pas éternel. Plus tard, vous me remercierez d'avoir fait cesser cette situation honteuse. » Elle ne répondit pas. Il crut qu'elle était touchée. Tout à coup, elle se jeta à ses pieds. « Maurice ! » s'écria-t-elle. « Au nom de votre mère qui m'aimait, au nom de votre fille, je vous en supplie, ayez pitié !» Il la releva. « Ah, pas de cela » dit-il. « Pas de cela, il faut obéir !» Et il se détourna pour cacher un frisson d'émotion qui le trahissait. Elle lui saisit la main, il la retira brutalement. « Votre dernier mot ? Que la fatalité s'accomplisse !»« Eh bien, c'est vous qui l'aurez voulu. Vous verrez si j'ai parlé en l'air. » Sans se retourner, il s'éloigna du côté de Villeneuve. Il marchait assez lentement, car dans ces mauvais chemins qu'il ne connaissait pas, il avait peine à se diriger. Souvent la terre s'écroulait sous ses pieds, et il glissait dans une ornière dont l'eau croupie lui sautait jusqu'à la figure. Il y avait des nuages au ciel. La nuit était moins belle que la veille. Elle ne s'éclairait que par instants, quand les nuages se déchiraient. De la plaine, il était descendu dans une cavée qu'on appelle dans le pays le creux des marnes, parce qu'elle conduit à une marnière autrefois en exploitation, maintenant abandonnée. Au milieu du chemin, qui n'a que juste la voie d'une voiture et qui est encaissée entre deux verges gazonnées, il lui sembla dans l'obscurité apercevoir un homme debout, un paysan sans doute qui regagnait le village. Mais en avançant, il vit qu'il se trompait. L'homme ne marchait pas, il était immobile, appuyé sur un bâton, et comme la lumière, tombant au caprice des nuages, l'éclairait par derrière, il dessinait sur le fond lumineux une autre silhouette noire. Maurice n'était point peureux. Il avait assez roulé par les chemins pour ne pas s'effrayer d'une rencontre la nuit. Il continua donc d'avancer. D'ailleurs, qu'avait-il à craindre dans ce pays où il n'était connu de personne? Un voleur? Il se mit à rire en y pensant. Lorsqu'il fut arrivé à quelques pas de l'homme, celui-ci ne se dérangea pas pour lui céder le passage, mais étendant vers lui son bras armé de son bâton, « Je vous attendais, » dit-il. Instinctivement, Maurice fit un bond en arrière. Quelque brave qu'on soit, cette manière de se présenter étonne au premier moment et frappe les nerfs, mais il se remit aussitôt et crut reconnaître cette voix. « N'êtes-vous pas le berger à qui j'ai remis une lettre hier ? » dit-il. « Oui, c'est moi. » « Eh bien, vous avez une singulière façon de réclamer le prix de vos commissions. Si vous travaillez comme ça, vous ne ferez pas une clientèle. Je ne vous réclame rien, je vous attends. Pour quoi faire ? Pour causer ? Ah ça, vous êtes un drôle de particulier, savez-vous ? Eh bien, et vous ? Vous êtes une fichue canaille. » Maurice recula d'abord de quelques pas. Il comprenait que cette rencontre n'était pas due au hasard, comme il avait pu le croire tout d'abord. « Il ne faut pas reculer, dit-il, ou j'avance, et je cours bien, j'ai mes bottes. » J'étais là-bas, à l'arbre du petit Ramona. Hier, je n'ai rien entendu. Aujourd'hui, comme je m'étais caché d'avance aux premières places, j'ai tout entendu. Quand vous avez eu fini, j'ai pris par le raccourci à travers champs pour venir vous attendre ici. J'ai choisi mon endroit. Des deux côtés, il n'y a pas moyen de se sauver. La pente est trop roide. Retournez en arrière, je vous attraperai. Me passer sur le corps, il ne faudrait pas l'essayer. Oh, mais non !» Disant cela avec une assurance où il n'y avait pas la moindre fanfaronnade, il donna sur la terre un coup de bâton à assommer un bœuf. Maurice se demanda, avec une certaine inquiétude, si ce grand diable d'homme n'était pas posté là pour l'assassiner. Au fait, cela simplifiait tout. Mais il connaissait trop Martel et Armande pour s'arrêter à cette idée. Il retrouva bien vite son sang-froid. « Eh bien, que voulez-vous » dit-il avec autorité. « Je vous l'ai dit, causez. Voilà, moi qui vous parle, j'ai tué le garde du château de chez nous d'un coup de couteau. Je tendais des collets. Il m'est tombé dessus. On s'est manié, il avait son couteau de chasse, il a voulu s'en servir, le coup a été donné, j'avais 26 ans. Cela m'a valu 10 ans de Toulon. Je les ai faits. Quand je suis sorti, il fallait vivre. J'ai vécu comme les autres. Ça veut dire que je suis un vieux fagot. Il y a 2 ans, un soir, je suis arrivé ici. Je n'en pouvais plus. Depuis 1 an, je crevais de faim. Je cherche un gendarme pour lui planter mon couteau dans le ventre et finir. M. Martel ne m'a pas mis à la porte. Il m'a donné à manger, il m'a fait travailler. Il m'a obtenu de rester ici au lieu d'aller à ma résidence. Aujourd'hui, je salue les gendarmes qui m'appellent par mon nom. Je travaille, je me sens honnête. C'est pour vous dire que j'ai pour lui l'amitié d'un chien, et que s'il me faisait signe, j'étranglerais un homme comme à rien du tout. Décidément, pensa Maurice, Martel est plus fort que je ne croyais. Voilà un chenapan qui est payé pour me supprimer. Il regarda autour de lui, mais ainsi que l'avait dit Hutin, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Quant au secours, il n'y en avait à attendre que du hasard. On était loin du village, et dans la campagne, on n'entendait pas le moindre bruit, ni une voix, ni un cri, ni le chaos d'une voiture. « Quand je vous écoutais tout à l'heure avec madame, » continua Hutin, « je me disais, « voilà un gueux qui est plus canaille que je ne l'ai jamais été. » Et je cherchais un moyen pour vous administrer une bonne tripotée. Quand voilà que tout à coup, vous avez dit que tant que vous seriez vivant, vous seriez leur maître. Ça, c'est votre jugement. C'est vous qui l'avez rendu. Pour sûr que de M. Martel et de vous, il y en a un de trop sur la terre. Ça ne peut pas durer comme ça. Celui qui est de trop, c'est vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sort. Alors, tout en vous écoutant, je me suis dit dans moi que ce n'était pas un crime de débarrasser le monde d'un brigand de votre espèce. Que c'était comme qui dirait « tuer un chien enragé ». Car pour sûr que si on ne vous tue pas, vous les ferez mourir, et les enfants aussi, peut-être bien. Quand un homme a tué, on le tue après. Je connais ça. Je me le suis entendu expliquer aux assises. Mais avis pourtant qu'il vaudrait mieux le tuer avant. C'est pour ça que je vais vous tuer. Hutin parlait difficilement, comme un homme qui cherche à exprimer des idées confuses, mais en même temps avec un calme effrayant. On sentait qu'il était aussi fermement convaincu de la nécessité de la justice de son action que le juge qui prononce un arrêt de mort. En venant ici, mon idée était de vous sauter dessus quand vous passeriez là, aux rues, et de vous saigner d'un coup de couteau. Mais ça, c'est lâche, ce n'est pas mon affaire. Un homme vaut un homme. Pour lors, il va falloir voir lequel de nous deux vaut mieux que l'autre. Si c'est vous, vous n'aurez qu'à vous sauver en étranger, d'où que vous n'auriez jamais dû revenir et y rester. Parce que si vous reparaissiez dans le pays, les curieux sont malins. Ils pourraient bien vous pincer rapport à ma mort. Et dame, ce serait la guillotine ou Cayenne. Alors comme ça, les maîtres seront tranquilles. Si c'est moi, et j'ai idée que ce sera moi, je vous jetterai dans la marnière qui est là, avec quelques brouettés par-dessus. On vous croit déjà mort. Ça sera vrai, voilà tout. Comme vous n'êtes pas du pays, ni vu ni connu, personne, voilà. Maurice écoutait, bien plus préoccupé de trouver un moyen de se sauver que de faire attention à ses singuliers raisonnements. Cependant, ces dernières paroles le frappèrent. C'était peut-être son salut, car d'engager une lutte avec cet Hercule, il ne fallait pas y songer. D'avance, le résultat était sûr. En quelques secondes, il serait écrasé, broyé. 10 années plus tôt, il n'eut pas eu cette patience, et depuis longtemps déjà, il serait tombé coûte que coûte sur celui qui lui barrait le chemin. Mais l'âge du courage imprudent était passé. Dans sa vie de bohémien, il avait appris la tactique des vieux loups, qui rusent jusqu'à la fin et ne font tête aux chiens qu'à la dernière extrémité. « Tout ça s'est bien combiné, » dit-il, « et ça promet de l'ouvrage assez propre. On reconnaît un vieux fagot. » « Mais oui, » dit Hutin, content de lui. « Seulement il y a quelque chose d'oublié. C'est que le procureur impérial sait que je suis venu aujourd'hui, ici, demander à ma femme de rentrer près de moi. Si je disparais, on cherchera. Nous n'allons pas nous tuer sans laisser de traces. Il y aura du sang de répandu. Non, je vais vous étrangler. Oui, mais moi je vais te saigner. » Et il montra un couteau poignard qu'il tenait dans sa main. « Quand on aura trouvé la place où nous nous sommes battus, on ira tout droit à la marnière. Ce n'est pas bien malin. On trouvera mon corps. On cherchera qui avait intérêt à ma mort. Il ne sera pas non plus bien difficile de trouver que c'est ma femme et son amant. Eh bien, moi, je dirais que c'est moi. Toi, tu n'aurais eu intérêt à tuer un homme que tu ne connaissais pas, que si sa mort t'était payée. Tu aurais été l'instrument, eux, les instigateurs. Tu les entraîneras avec toi en cour d'assises comme tes complices. Toi, le récidiviste, tu seras guillotiné. Eux en auront au moins pour 20 ans. Cela te va-t-il ? Tonnerre ! S'écria Hutin. Allons, laisse-moi passer. Oh, ne passez pas, je vous assomme. Tu n'as donc pas compris. Restez là, ne bougez pas. Élevant son bâton, il demeura immobile devant Maurice, comme le chien en arrêt sur son gibier. Dans sa tête bouillonnait confusément ce qu'il avait imaginé et ce qu'il venait d'entendre. Quoique son intelligence ne fût pas bien vive, Elle était encore assez pour comprendre tout de suite que son moyen, au lieu de sauver Armand des Martel comme il le voulait, pouvait les perdre. Fallait-il donc le laisser échapper, quand il n'avait qu'à faire tomber son gourdin pour les en débarrasser à jamais? Il haletait d'impatience et de colère. La lune qui se dégageait l'éclairait en pleine figure, et Maurice pouvait suivre sur son visage crispé le trouble de sa préoccupation. Patiemment, il attendait, car maintenant il se sentait sauvé. Enfin, Hutin abaissa son bras. « Si vous faites le mort, dit-il, c'est comme si vous étiez vraiment mort. Il faut donc le faire et vous en allez d'ici. Si vous donnez signe de vie, si vous les tourmentez, je vas à vous et sans crier gare, je vous plante mon surin entre les épaules. Je m'arrangerai pour faire croire que je voulais vous voler. Enfin, je trouverai bien quelque chose. Comme ce ne sera pas ici, ce sera plus facile. Si je ne trouve pas, il y a d'anciens camarades qui ont la main sûre, quoi. Voilà, vous pouvez vous en aller. » Maurice ne se le fit pas dire deux fois. Mais au moment où il passait à côté de Hutin, celui-ci posa la main si brutalement sur l'épaule qu'il le fit fléchir sur les jambes. « Voyons là, dit Hutin, vous êtes bien certain, pas vrai, que je suis un homme à faire ce que je promets. Parfaitement, je vous crois homme d'honneur. » Répondit Maurice à qui l'insolence était revenue. « Vous connaissez mon histoire, ça doit vous donner confiance. Maintenant il faut que vous connaissiez ma force, ça va vous faire rêver. » En disant cela, il prit son bâton en deux bouts. C'était une énorme trique en chaîne de la grosseur à peu près de 4 doigts. Et l'appuyant sur son genou, il le cassa net, sans effort, sans paraître raidir ses muscles. « Voilà, dit-il, quand un couteau est emmanché au bout de ce bras-là, il entre bien. »« C'est très fort, dit Maurice. Si je redeviens jamais saltimbanque, il y aura pour vous une place d'Hercule dans ma troupe. » Lorsque Armande rentra, elle rencontra Marie-Ange à la porte. « Où est monsieur ? Dit-elle. « Dans l'atelier. » « Les enfants, ils sont avec lui. Venez les prendre et couchez-les, je monterai tout à l'heure. » Les enfants jouaient dans un coin. Martel, la tête plongée entre ses mains, était assis devant le feu. Un tison avait roulé et lui fumait dans la figure sans qu'il s'en aperçût. Au bruit de la porte, il se leva vivement et attacha sur Armande ses yeux brûlants d'angoisse. Les enfants sortis, elle se jeta dans ses bras. « Il est ici, dit-elle. Je l'ai vu hier, je viens de le revoir. » Un frisson de bonheur lui courut dans les veines, il la serra fortement contre son cœur. « Je le savais. Eh bien, je voulais que tu fusses libre. » « Il demande que je retourne près de lui, il veut les enfants. »« Les enfants ? Oui, Julien, il dit que la loi le reconnaît comme le père de Julien. »« Oh, ça, je l'en défie. » »« N'est-ce pas que c'est impossible ? C'était pour m'effrayer. » »« Il dit qu'il peut entrer ici, nous tuer tous deux, qu'il peut nous faire enlever par les gendarmes, nous faire emprisonner. » »« Qu'as-tu répondu ? « Rien, que pouvais-je répondre ? Et alors ? Il est parti en me faisant les plus terribles menaces. »« Tu ne lui as pas offert de l'argent ? Oh ! Crois-tu donc qu'il veuille autre chose ? Il doit savoir que Victorine a hérité de M. de Tréfléant. Il le sait. Il veut l'usufruit de sa fortune. »« Alors rien n'est désespéré. Que veux-tu faire ? Je n'en sais rien. J'irai demain à Paris voir Fabas et nous aviserons. Ce n'est qu'une affaire d'argent. Nous trouverons bien quelque chose. » Combien cette nuit fut différente de la précédente ? Ils savaient que les dangers les plus terribles étaient suspendus sur eux, même la mort. Mais ils étaient deux maintenant, unis de cœur et de pensée.